Alors maintenant, on va regarder ce que va nous dire le Béline. Quel est le message du Béline pour nos amis scorpions pour le mois de mai 2022? Alors, que va nous dire le Béline pour le mois de mai 2022 pour le scorpion? Voilà. Bon, on va voir. Découverte, argent, corne d'abondance. Donc peut-être que vous allez être en quête d'une somme d'argent, de revenus supplémentaires, ou peut-être que, alors selon le tirage, vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle, mais on va voir. Je ne peux pas m'avancer trop juste sur une coupe. Quel est le message du Béline pour le scorpion pour le mois de mai 2022? Alors, ami scorpion, oulala. Oulalalala. Ça va, heureusement. C'est bon par la suite. Mais, alors, apparemment, vous risquez d'avoir une inquiétude, pour ne pas dire une frayeur, mais le mot est un peu fort, en début de mois, concernant, sans doute, vu la coupe, vos finances. Concernant apparemment la stabilité que vous avez, vous risquez d'avoir des inquiétudes matérielles en début de mois, mais normalement, rassurez-vous, parce que ce qui domine le jeu, c'est quand même l'aigle couronné, donc votre situation est suffisamment installée, stable, à moins que vous bénéficiez d'un appui d'un aigle couronné, donc c'est un homme qui peut vous protéger dans une situation délicate. Donc dans tous les cas, vous ne risquez pas de gros déboires, et cela vous permettra de maintenir l'équilibre au sein de la famille, au sein de votre cocon familial, de répondre aux besoins de votre famille. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a pas mal de préoccupations plutôt matérielle, financière, avec une frayeur en début de mois, mais c'est concernant votre foyer. Alors si vous n'êtes pas en famille, ça peut être concernant votre habitat. Voilà, alors sachez que de toute façon, vous êtes apparemment aidé, protégé par des personnes de confiance qui vont vous épauler pour en venir à bout de cette mauvaise surprise. Tout simplement. Donc restez confiant, ami scorpion, et tout ira bien au mois de mai. À bientôt.